Des 66 poèmes de Jules Laforgue, contenus dans son recueil intitulé Des fleurs de bonne volonté, écrit entre 1881 et 1886, j'ai retenu les 5 poèmes que je vous propose maintenant.